tu vas nu répondre au téléphone. Il y en a peu qui aiment, très peu qui se donnent. Au bout de quelques heures, le ciel est presque rouge, nos regards qui s'aiment, et parfois nos corps bougent. Il n'y a plus vraiment de parcours prévisible, il se passe des choses totalement indicibles. Je n'ai jamais été parfaitement lucide, je n'aime pas le bruit et j'ai horreur du vide. Le temps total de soi est un état furtif, incertain toutefois, c'est un plaisir très vif. Et la fascination est une vie seconde. Il y a une autre vie qui traverse le monde. Certains êtres en ce moment ont fait trembler la terre. Tout un bon à l'amour, comme on va à la mer. Et plus je te connais, plus mon regard est fixe.